إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on commence maintenant la quatrième partie dans les parties de cette explication du livre de Sharh Masail al-Jahiliya. Et yani, on est toujours dans le deuxième point parmi les différents points des questions qui ont rapport avec la Jahiliya et les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a opposées, parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rejetées des choses que pratiquaient les gens de la Jahiliya. Donc ce point-là en question, c'est quoi? C'est le fait que les gens de la Jahiliya pratiquaient différentes croyances, différentes religions, et qu'ils étaient tous divisés dans leurs adorations et dans leurs religions. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu opposer ça. Il est venu dire aux gens de la Jahiliya, il faut arrêter d'être divisés dans la religion et dans la croyance, et il faut tous s'unir. Il faut tous s'unir sur la vérité, il faut tous s'unir dans l'adoration, adorer que Allah subhanahu wa ta'ala seul et rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également il est venu pour dire aux gens du livre, les juifs et les chrétiens, que si ils croient à leur messager et que tous ces messagers là sont venus avec le même message de Tawhid, le même message de la ilaha illallah, eh bien ils n'ont pas de raison d'être divisés en différentes religions, en différentes croyances et différentes pratiques, puisque à l'origine, hein, ils sont tous venus avec le même message de l'islam. Donc, ça c'est en ce qui concerne le deuxième point, puis là on va continuer donc à lire les explications du Cheikh Saleh Al-Fawzan qui donne le sharh de ce point-là. Donc, le Cheikh dit « وَجَمِيعُ الْخَلْقِ الْجِنُ وَالْإِنْسِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ دِينُهُمْ وَاحِدٌ وَهُوَ التَّوْحِيدُ وإفراد العباد وإفراد الله بالعبادة جل وعلا والعبادة بينها على ألسن الرسل وما وكلها إلى الناس بل أنزل علينا كتابا وأرسل إلينا رسلا وقال هذا هو الدين هذه هي العبادة هي توقيفية والدين توقيفي ليس من حق الناس أن يشرع لهم أديانا بل هذا من حق الله سبحانه وتعالى هو الذي يشرع الدين أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله هذا إنكار منه سبحانه وتعالى فالدين هو ما شرعه الله وأنزله في كتبه وعلى ألسن رسله عليهم الصلاة والسلام فهو توقيفي والرسل إنما هم مبلغون عن الله جل وعلا يبلغون عن الله ما شرعه الله لعباده هذه وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم متعبدون بهذا الدين مثل غيرهم عباد يعبدون الله جل وعلا بهذا الدين الذي شرعه لهم ولأممهم. Donc le cheikh il dit que toute la création, les djinns et les hommes, il est obligatoire pour eux que leur religion soit une religion unique, et c'est la religion du tawhid, et c'est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, et que l'adoration soit pour Allah seul, hein. Et cette adoration-là, elle a été clarifiée par la langue des messagers. Elle a été clarifiée par la langue des messagers. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas laissé à nous-mêmes pour essayer de deviner ou chercher ou trouver comment on fait pour adorer Dieu, comment on fait pour se rapprocher de Lui. Il nous a envoyé des messagers qui nous ont clarifié les façons de faire, les façons de s'approcher à Lui. Et il a envoyé ces messagers-là avec des livres qui contiennent des règles et des clarifications pour nous montrer justement qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous et comment on doit se rapprocher à Lui. Donc, yani Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a clarifié cette religion-là, et c'est ça sa religion, et c'est cette adoration-là qu'on doit faire. Et cette adoration-là, elle est, comme on dit, tawqifiyya. Tawqifiyya, ça veut dire que on doit s'arrêter à ce qui est révélé dans cette révélation, dans cette adoration-là. On ne va pas inventer des choses de nous-mêmes et des adorations de nous-mêmes, comme les gens du shirk et les gens de la jahiliya. Ils adoraient Allah selon ce qu'ils imaginaient dans leur esprit, selon ce qu'ils pensaient être bon. Hein. Comme on a mentionné hier l'exemple des mushrikines qui faisaient le tawaf et qui se dénudaient complètement pour faire le tawaf autour de la Kaaba. Et ils s'imaginaient qu'en faisant ça, ils se rapprochaient d'Allah. Eh bien ça, c'est un exemple, hein, de choses qu'ils faisaient comme étant une adoration ou qu'ils considéraient être une adoration, alors que ça n'a rien à voir avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh il nous dit que cette religion, elle est, comme on dit en arabe, tawqifi, et donc, c'est pas les êtres humains qui doivent décider qu'est-ce qu'ils vont légiférer comme religion ou choisir ce qu'ils doivent faire comme religion, c'est quelque chose qui doit être révélé et légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala pour que ce soit ou pour que ça fasse partie de la religion de la vérité. بل هذا من الله حق. Donc, هذا من حق الله سبحانه وتعالى. Ça fait partie du droit d'Allah سبحانه وتعالى de légiférer. Personne n'a le droit de légiférer à sa place. C'est un de ses droits exclusifs. Personne ne partage ce droit-là. Et donc, Allah سبحانه وتعالى dit dans le verset 21 dans Surah Shura, est-ce qu'ils ont des partenaires ou des associés, est-ce qu'ils ont des partenaires ou des associés qui légifèrent pour eux dans les affaires de la religion ou en matière de religion, ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas permis de faire, hein. Donc le fait de croire que certains individus ou que certaines personnes ont le droit de légiférer des choses dans la religion, eh bien ça fait partie du shirk également, et c'est comme d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala des partenaires dans la législation, hein. Et ça c'est très dangereux, yani. Et dans le passé, yani, les mushrikoun et les kuffars, souvent c'était leurs prêtres et leurs moines, ou leurs rabbins, ou leurs, comment on dirait, leurs gourous, qui leur légiféraient les actes de législation par rapport à l'adoration, et ils leur donnaient des adorations à faire. Et parfois, c'est des choses vraiment graves, des choses vraiment absurdes. Parfois, ils leur ordonnaient de tuer leurs propres enfants. Parfois, ils leur ordonnaient de les sacrifier, soi-disant, pour leurs idoles ou pour leurs divinités. Parfois, ils leur ordonnaient de donner leurs propres filles. Hein, et je l'ai déjà mentionné dans d'autres cours une fois, qu'est-ce qu'ils faisaient dans certaines régions en Inde, subhanallah, hein, lorsque une fille, elle n'avait pas encore atteint la puberté, mais elle était petite, mais elle était proche de la puberté, au moment de la puberté, on l'offrait à une divinité, hein, on l'offrait à une divinité, et étant donné que, bien entendu, leur divinité, c'est une idole, eh bien, c'est une statue inerte, hein. Elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas rien faire, donc elle ne peut pas accepter cette offrande de la part de ces mushrikines. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disent qu'étant donné que cette idole, elle est servie par un gourou ou par un prêtre, ou un moine ou un prêtre hindou, eh bien, ils croient que cette divinité-là, elle s'incarne dans ce prêtre. Et ils font entrer la petite fille dans le temple, et puis le prêtre, bon, il bien entendu fait il y a des choses avec cette jeune fille là, soi-disant il l'offre à leur dieu par l'intermédiaire de ce prêtre. Donc ça c'est des exemples de comportements que pratiquent les mushrikins et les kuffars, et ils se légifèrent ces choses là dans leur religion. Hein, et ça c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais agréé, que c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais légiféré. Et il y a beaucoup d'autres exemples de choses comme ça que ces gens-là se permettent de faire au nom de leur fausse religion et de leur fausse croyance. Et allez, ça nous montre exactement ce que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous expliquer ici, que ces gens-là, ils veulent légiférer dans la religion des choses. Et donc, ils se prennent, ils s'approprient du droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala de légiférer. Et ça, c'est que deux exemples que j'ai donnés, mais j'aurais pu donner beaucoup d'autres exemples encore. Donc, le cheikh, il dit, ça c'est une réprobation et un blâme et un rejet de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ce que ces gens-là font. Donc, la religion, c'est ce que Allah a légiféré et c'est ce qu'il a révélé dans son livre et c'est ce que ses messagers ont dit, hein, par leur langue. Donc, c'est ça la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est quelque chose qui se limite à la révélation, comme on l'a dit. Les messagers, eux, ne sont que des transmetteurs. Ils ne font que transmettre, hein, le message qu'ils reçoivent d'Allah subhanahu wa ta'ala et de transmettre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne. Et c'est ça leur mission et c'est ça leur travail en tant que prophète et messager. Et ils sont des adorateurs, hein, ils sont des adorateurs comme le reste des autres, des êtres humains, eux aussi ils doivent adorer Allah et se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et c'est ça la religion que Allah subhanahu wa ta'ala leur a légiféré pour eux-mêmes et pour leur peuple et pour leur nation. وقال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذا نهي لنا أن نكون مثل أهل الجاهلية الذين تفرقوا في دينهم واختلفوا ولم يكن هذا عن جهل منهم وإنما هو عن هوى من بعد ما جاءهم البينات تركوا البينات واتبعوا الهوى فالذي حملهم على هذا التفرق هو الهوى والعياذ بالله اتخذوا أهواءهم آلهة من دون الله عز وجل والله جل وعلا لم يترك حجة لأحد أرسل الرسل وأنزل الكتب فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Donc le cheikh il dit ensuite, et Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le verset 105 dans surat Al-Imran, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé une fois que leur soit parvenue l'épreuve claire, et ceux-là auront un dur châtiment ou un grand châtiment. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit d'être comme les gens de la jahiliya qui se sont divisés dans leur religion et qui ont divergé. وَلَمْ يَكُنْ هَذَا عَنْ جَهْلٍ مِنْهُمْ. Et ça, leur division et leur divergence, c'était pas par ignorance de leur part. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils étaient ignorants qu'ils se sont divisés, comme Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit. Ils se sont divisés entre eux sur les questions de religion et dans les affaires de religion uniquement à cause de leur passion. Uniquement à cause de leur passion. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat » après que l'épreuve claire leur soit parvenue, après que leur soit arrivée l'épreuve claire. Donc, ils n'avaient plus d'arguments, ils n'avaient plus d'excuses pour diverger entre eux. Hein? Et c'est pour ça que donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est la même chose pour nous les musulmans, on a cette guidance, on a cette preuve claire, on a cette vérité, on n'a pas d'excuse pour nous diviser. Et c'est pour ça que ceux qui se divisent parmi les musulmans, parmi les sectes, parmi les groupes, parmi les individus, ceux qui se divisent, eh bien c'est parce qu'ils suivent leur passion, c'est parce qu'ils refusent de suivre la vérité, c'est pas par ignorance, hein, et ils ont abandonné les preuves claires et ils ont suivi leur passion. Et c'est uniquement la passion qui les a amenés à se diviser de cette manière, qu'Allah nous en préserve. Ils ont pris leur passion comme une divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas abandonné la preuve pour quiconque. C'est-à-dire tout le monde a reçu la preuve. Tout le monde a reçu la preuve. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers et il a fait descendre les livres. Et il mentionne dans le verset 39, 38 et 39 dans Sourate Al-Baqarah, si une guidance te parvient, alors celui qui suit ma guidance, il n'aura aucune crainte et il ne sera pas attristé. Tandis que ceux qui ont mécru et qui ont traité nos versets de mensonges, alors ceux-là seront les gens de l'enfer et ils y demeureront éternellement. Donc, ça c'est des explications à ce sujet-là. فالله جل وعلا ما ترك الناس منذ أن أهبط آدم إلى الأرض لم يترك الناس بلا دين وبلا نبي بل ما زال جل وعلا يرسل الرسل متتابعة ويرسل للناس الدين ويبينه للناس أو يبينه لهم إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي لا تنسخ ملته حتى تقوم الساعة ومدادها الكتاب والسنة فما فيه وقت من الأوقات إلا وهناك دين لله جل وعلا جاءت به الرسل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ليس لأحد حجة أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير فالله جل وعلا أقام الحجة على الخلق Le Cheikh il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas abandonné les hommes comme ça, il ne les a pas laissés comme ça sans guidance, sans lumière, sans voie à suivre, sans clarification, hein, comme des animaux qui errent dans la nature, non, il leur a depuis qu'il a fait descendre Adam sur cette terre, il ne les a jamais laissés sans religion, sans prophète. Hein, et il les a envoyés, il a envoyé les messagers les uns après les autres qui se suivent hein, et qui légifèrent pour les hommes tout ce qu'ils ont besoin de connaître en matière de religion et en matière de ce qu'ils ont besoin pour régler les divergences qu'ils ont entre eux. Et le dernier d'entre ces prophètes et de ces messagers, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est celui dont la législation ou la révélation ne sera jamais abrogée jusqu'à la fin des temps. Hein, c'est la dernière des révélations jusqu'à ce que l'heure du jugement dernier soit établie. Et cette révélation-là, elle est basée, bien entendu, c'est le Coran et la Sunna. Et qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna? C'est bien entendu valable et applicable jusqu'à la fin des temps. فما فيه وقت من الأوقات إلا وهناك دين لله. Il n'y a pas une époque qui va passer dans l'avenir, excepté qu'il y aura la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été ramenée par les messagers qui sera présente. Et il mentionne le verset 165 dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Et il n'y a pas une nation excepté qu'on leur a envoyé un avertisseur ». Et il mentionne le verset 165, ce verset-là c'était 24 dans Sourate Fatir. Le prochain verset c'est dans Sourate An-Nisa, verset 165, Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Des messagers que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés comme annonciateurs de bonnes nouvelles et comme avertisseurs d'un châtiment pour ceux qui refusent de croire, pour qu'il n'y ait plus de preuves, hein, c'est-à-dire pour que les hommes n'aient plus d'arguments devant Allah subhanahu wa ta'ala après que Allah ait envoyé ses messagers. Une fois que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses messagers, la preuve elle a été établie. Ils n'ont plus d'arguments par la suite. Hein? Et donc, c'est pour cette raison-là que plus personne n'a d'arguments. Hein? Pour pas que, comme il dit, antaqulu ma ja'ana min bashirin wa la nadhir. Et pour que quelqu'un ne puisse pas dire au jour de la résurrection, on n'a pas eu d'annonciateur de bonnes nouvelles, on n'a pas eu d'avertisseur qui nous a été envoyé. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ. Certes, un avertisseur et un annonciateur nous a été envoyé. Donc ça c'est pour clarifier qu'il y a eu des messagers et que la preuve elle a été établie. Dans le verset 19 dans Surat Al-Ma'ida. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a établi la preuve sur sa création. وَلَكِنْ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ خَالَفُوا مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ لا عن جهل وإنما هو عن عناد واتباع للهوى خصوصا اليهود والنصارى فهم على علم بذلك ولذلك سماهم الله أهل الكتاب من باب العيب عليهم أنهم أهل كتاب وأهل علم ومع هذا يخالفون أمر الله يخالفون أمر الله سبحانه وتعالى ويتبعون أهواءهم نهى الله هذه الأمة أن تسلك هذا المسلك الجاهلي وأمرهم أن يتمسكوا بالدين الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم والذي سار عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون هذا هو الدين الذي يجب أن تتمسك به الأمة إلى أن تقوم الساعة وإذا اختلفوا في شيء أن يردوه إلى الكتاب والسنة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر Le Cheikh il dit, mais les gens de la Jahiliya ont contredit ce que les messagers ont amené, non pas par ignorance, mais par orgueil, par arrogance et par passion, du fait qu'ils suivent leur passion. Et en particulier les Juifs et les chrétiens. Parce que ce sont des gens qui ont de la connaissance. Ils ont reçu des livres auparavant, ils ont reçu des messagers auparavant et donc, leur opposition aux messagers n'est pas basée sur une ignorance, elle est basée sur une connaissance, et c'est pour cette raison-là que Allah les appelle Ahlul Kitab, les gens du livre. Et en réalité, c'est un blâme que Allah leur fait en les appelant des gens du livre, contrairement à ce que certains s'imaginent aujourd'hui. Quand Allah dit des juifs et des chrétiens que ce sont des gens du livre, c'est pour les blâmer du fait qu'ils ont reçu un livre, malgré ça, ils ne suivent pas la vérité. Ils ont reçu la science, malgré cette science, ils ne suivent pas la vérité. Donc c'est un blâme que Allah leur fait en les appelant des gens du livre. Et on voit qu'aujourd'hui, ils opposent et ils contredisent l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils suivent leur passion. Et comme je disais, yani, au début de ce point, quand j'ai commencé au cours précédent, j'expliquais que yani, quand on observe qu'est-ce qui se passe dans la laïcité, on remarque que c'est exactement ce que faisaient les gens de la Jahiliya. Hein. Comme je disais par exemple, quand on va en Inde, on voit qu'il y a des milliers de divinités différentes, que dans chaque famille même, il y a différentes divinités qui sont adorées dans la même famille par des membres de la famille. Donc, le père il peut adorer telle ou telle idole, le fils il adore d'autres, et la mère elle adore d'autres. Hein. Il y en a dans la famille qui disent « Non, moi je préfère cette divinité-là ». Hein? Et l'autre il dit non moi je préfère celle-là et tout ça c'est accepté hein? Mais dans la société laïque c'est l'aide et plus encore hein? Parce que c'est toutes les religions ensemble qui sont ensemble et qui sont acceptées soi-disant sous un parapluie toutes les croyances sont acceptées et on leur donne soi-disant une liberté hein? Une liberté d'être appliquée ou d'être pratiquée et ça c'est une contradiction en réalité, et c'est quelque chose d'impossible. Et la preuve que c'est impossible, c'est qu'on voit qu'ils ne savent plus maintenant de quel côté yani, s'arracher les cheveux hein, avec ce système qu'ils ont inventé. Parce que tu peux pas appliquer, dire que tu vas donner la liberté religieuse à toutes les religions, puisque chaque religion, elles ont des croyances et des pratiques différentes et divergentes. Hein. Regardez par exemple, là c'est la période de Noël. Hein? Maintenant, les chrétiens ils ont congé parce que c'est leur fête à eux. Et les écoles sont fermées. Les jours de congé, il n'y a pas de travail. Mais pour nous, les musulmans, c'est pas un jour de congé. Nous, on devrait pouvoir continuer à travailler, continuer à aller à l'école normale, sans qu'on ait à s'arrêter de faire ce qu'on fait normalement à cause de leur fête à eux. Hein? Et eux, est-ce qu'ils vont respecter nos fêtes à nous lorsque c'est nos fêtes? Yani, subhanallah, même au Canada, des fois, quand il y a une fête de l'Eid, il faut avoir une permission spéciale ou avoir une lettre spéciale, ou des fois c'est très compliqué pour pouvoir s'absenter ce jour-là. Des fois, on ne nous laisse même pas pouvoir le faire. Et ça c'est sans parler yani, des prières, sans parler des jours d'Aïd quand on veut sacrifier nos moutons, sans parler du Adhan si on veut faire le Adhan. Et ça, c'est juste quelques exemples. Hein. Et à chaque fois qu'on veut pratiquer quelque chose de notre religion, hein, on nous dit oui, vous avez la liberté, mais à chaque fois on veut nous limiter dans notre liberté. Par exemple, on voit que là maintenant, c'était la question du hijab auparavant, hein, et là on voulait l'interdire dans les lieux publics. Après, maintenant là c'est le sitar, le niqab, hein, le niqab qu'on veut interdire maintenant dans les endroits publics. Et après, on ne sait pas ce que ça va être. Mais c'est juste pour dire que c'est une contradiction avec ce qu'ils prétendent dans leur principe, qu'on a la liberté de pratiquer notre religion. Et en réalité, qu'est-ce qu'on observe, c'est qu'ils veulent nous libérer, ils nous veulent nous limiter dans cette liberté, soi-disant liberté de pratiquer notre religion. Et pire encore, ils veulent nous dire comment pratiquer notre religion et comment la comprendre. Et qu'est-ce que c'est cette religion-là? Ils veulent nous l'enseigner à nous alors que ce ne sont même pas des musulmans. Ils veulent nous dire quel islam on doit suivre et quel islam on ne doit pas suivre. On doit suivre l'islam soi-disant de la République et pas l'islam de la compréhension de tel ou de tel endroit dans le monde. Et au Canada, il y a même une députée qui est d'origine marocaine, Yanni, qui est laïque. Elle dit, il y a des musulmans ici au Québec qui veulent nous enseigner un islam de l'étranger. Il dit, subhanallah, est-ce qu'il y a un islam qui n'est pas de l'étranger au Québec? Déjà, on sait que c'est étrange de dire des choses pareilles. Et elle-même vient de l'étranger. Alors, c'est pour dire, on veut pas seulement nous dire qu'on veut nous limiter dans notre pratique religieuse, mais on veut nous dire en plus de ça, qu'est-ce que c'est notre religion et comment on doit la comprendre, hein. Et ça, c'est juste par rapport à notre religion, à nous en tant que musulmans, sans parler des sectes déviées qui prétendent être musulmanes et qui ont contredit la sunna et le Coran, qui veulent eux aussi pratiquer leur bid'a au nom de l'islam et qui ont la liberté aussi de le faire ici parce que cette société permet tout, pas seulement le vrai mais le faux, hein, et ça c'est sans parler des autres croyances religieuses qui ont aussi, comme par exemple les juifs, qui ont leurs fêtes religieuses, qui ont leur congé à eux, hein, et subhanallah, ils ont leur congé et leur fête. Si c'était respecté par tout le monde, eh bien, ils ne pourraient pas établir cette société-là. Hein. Ils ne peuvent pas donner le congé à chaque fête religieuse de chaque religion différente, et c'est impossible. Hein. Donc c'est pour ça qu'on voit, bon aujourd'hui c'est dimanche, pourquoi tous les magasins dehors sont fermés? Ils disent que dans la religion chrétienne, c'est un jour sacré, il ne faut pas que les magasins soient ouverts. Pourtant, ils prétendent que c'est un pays laïque. Hein. Donc ça, c'est un exemple, hein, que c'est une laïcité catholique, en fait, hein, en réalité. Donc, tout ça, c'est juste pour vous dire que une société qui n'est pas basée sur... Qu'est-ce qui unit cette population? Qu'est-ce qui unit ces gens-là? Est-ce qu'il y a une aqida? Une croyance, une foi qui unit le cœur de tous les gens qui font partie de ce pays, qui sont les habitants et les citoyens de ce pays, est-ce qu'ils sont unis par une vérité, par une haq, par une aqida, par une croyance, par une pratique religieuse qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Chacun peut croire qu'est-ce qu'il veut, peut penser comme il veut, peut dire ce qu'il veut, et il adore ce qu'il veut. S'il veut adorer rien, il adore rien. S'il veut adorer Bouddha, il adore Bouddha. S'il veut adorer Krishna, il adore Krishna. S'il veut adorer les murs ou les étoiles ou la lune, il le laisse faire. Ça c'est pas une société qui est basée sur quelque chose de solide. C'est pas une société qui est basée sur la vérité. C'est une société qui est basée sur le mensonge, sur le kufr, sur la négation de la vérité, sur le rejet de ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça exactement la voie de la jahiliya. C'est ça exactement la voie de la jahiliya. Et c'est ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu opposer. C'est ça l'exemple de qu'est-ce que pratiquaient les gens de la jahiliya avant l'islam. Donc, comme le cheikh il dit, ces gens-là, parmi les gens du livre, les juifs et les chrétiens, ils opposent la vérité avec connaissance. Hein, ils contredisent ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et suivent leur passion. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à cette ummah, à la ummah de l'islam, de suivre cette voie d'ignorance. Allah a interdit à la voie de l'islam de suivre cette voie d'ignorance. Ils disent, on a amené la laïcité parce qu'il y avait des guerres de religion. Donc, pour arrêter les guerres de religion, on a établi la laïcité. Mais est-ce qu'après la laïcité, il n'y a pas eu des guerres? Il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, qui sont des guerres beaucoup plus graves, beaucoup plus meurtrières, beaucoup plus destructrices que toutes les guerres religieuses qu'il y a pu avoir depuis le début de l'humanité. Hein? Et il y en a encore des guerres, malgré qu'ils ont soi-disant établi la laïcité. Donc, ce prétexte ou cette idée, par exemple, que c'est la religion qui amène les guerres, hein, ça c'est, il y a des prétextes qu'ils utilisent. Hein? Et il y a beaucoup d'autres choubouhats qu'ils jettent pour essayer de justifier leur laïcité, mais alhamdoulilah, s'ils acceptaient de suivre ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne de suivre, et qu'ils se soumettaient à l'ordre d'Allah et qu'ils acceptaient l'islam, ce serait mieux pour eux. Hein? Et c'est ça à quoi on invite les kuffars, et peu importe leur croyance et leur religion, on les invite tous à accepter le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et à croire au messager d'Allah et à devenir musulman, à rejeter le shirk et à accepter le tawhid. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de nous accrocher fermement à la religion que Allah subhanahu wa ta'ala a révélée sur son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et sur la voie que les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam ont suivi, parmi les successeurs bien guidés du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça la religion que nous sommes ordonnés et qui est obligatoire pour nous de suivre, et c'est obligatoire pour nous de nous y accrocher, hein, jusqu'à l'heure du jugement dernier. Et si on diverge en quoi que ce soit dans notre religion, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi faire dans des cas comme ça. Parce qu'il y a des divergences entre les musulmans. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des divergences entre nous? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le verset 59 dans surat An-Nisa, et si vous divergez en quoi que ce soit, alors ramenez-le à Allah et à son messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ramenez-le à Allah et à son messager. Si on diverge en quoi que ce soit, on le ramène au Coran et à la Sunna. Hein? Et donc, alhamdoulilah, ça c'est important de le comprendre. Vous allez entendre des du'ats aujourd'hui parmi les du'ats de l'islam qui prétendent appeler à l'islam, comme par exemple des gens comme Tariq Ramadan ou autres. Quand ils parlent de la laïcité, ils essaient de faire comprendre aux musulmans qu'il y a une bonne laïcité qui est en accord avec l'islam, puis il y a une laïcité qui est mauvaise, qui est contraire à l'islam. Ça c'est complètement faux. Toute forme de laïcité, peu importe sa manifestation, elle est opposée au fondement même de la religion islamique, et elle est rejetée par l'islam, et c'est interdit pour un musulman de l'accepter ou d'y croire, hein, c'est complètement, ok, donc, il dit, il y a une laïcité qui est athée, qui rejette la religion, et il y a une laïcité qui n'est pas athée, qui ne rejette pas la religion, mais c'est quoi, comme on dit en arabe, al-ilhad? Est-ce que l'ilhad dans l'islam c'est seulement de rejeter l'existence de Dieu? Ça ne se limite pas seulement à rejeter l'existence de Dieu. Si tu rejettes un verset de la parole d'Allah, ça suffit comme ilhad. Si tu rejettes une parmi les attributs d'Allah, c'est une forme d'ilhad aussi, c'est une forme d'athéisme. C'est pas seulement tu dis je rejette l'existence de Dieu. Hein? Donc, la laïcité elle est basée sur le rejet de la révélation divine. Hein? Elle est basée sur l'idée qu'il n'y a pas une vérité absolue. Parce que celui qui croit qu'il y a une vérité absolue, est-ce qu'il peut accepter que d'autres choses, que cette vérité-là soit mise de l'avant et qu'elle soit appliquée? C'est absurde. Et même quand on était, même avant l'islam, je me posais souvent, je réfléchissais là-dessus souvent, je me dis comment ça se fait? On est dans un pays, tout le monde dit que tout le monde est chrétien, il y a les églises, il y a les prêtres, on ouvre la Bible, c'est écrit, tu ne dois pas faire la fornication, tu ne dois pas par exemple faire l'adultère, des choses comme ça c'est interdit. Puis quand tu sors dehors, tu regardes dans les lois du pays, la loi du pays elle dit, si deux adultes sont consentants, alors dans ce cas-là, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, hein, puis que ce n'est pas un péché ou ce n'est pas interdit par la loi. Comment ils peuvent faire une loi contraire à la loi de ce qui est écrit dans leur livre s'ils prétendent être des chrétiens, hein, ou des juifs? C'est contradictoire. Hein. Et donc, c'est juste un exemple pour montrer que quelqu'un qui est un vrai croyant, il ne peut pas accepter la laïcité. Il ne peut pas accepter ça. Ou d'écrire une loi pour dire deux hommes peuvent se marier, ou deux femmes peuvent se marier, alors qu'il dit qu'il croit en son livre. Est-ce que l'être humain intelligent peut accepter une chose pareille? Hein? Jamais de la vie. Donc ça c'est pour faire comprendre. Et il y a des gens qui essayent de faire comprendre ou de faire peur aux musulmans parmi les mourjifounes. Hein? Les mourjifounes, ça il y en a à toutes les époques. Hein? Des gens qui essaient de faire peur aux musulmans pour leur faire croire qu'on est obligé d'accepter la laïcité parce qu'on est en France. Non, c'est pas vrai. Qu'on soit au Québec ou en France, on a le droit d'être contre. C'est notre droit, c'est notre croyance, notre liberté, soi-disant, même leur soi-disant charte de liberté, là, à laquelle ils croient, elle nous donne la liberté de croire en ce qu'on veut, et nous, en tant que musulmans, on est obligé de croire à la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on est obligé de rejeter tout ce qui est faux ou contraire à cette révélation et à cette religion-là, peu importe de qui elle, cette contradiction-là peut venir. Et ça, ça doit être très clair dans l'esprit de chacun d'entre nous. Et surtout à notre époque où les koufars sont en train d'empiéter sur notre religion et petit à petit jusqu'à ce qu'à la fin il ne restera plus rien. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, le Cheikh dit, وَالِاخْتِلَافُ مِنْ طَبِيعَةِ الْبَشَرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَىٰ أَحَالَنَا عَلَىٰ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إِذَا خَالَفْنَا وَلَا نَدْرِي أَيُّنَا الْمُصِيبِ نَرْجِعُ إِلَىٰ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فمن شهد له الكتاب والسنة بأنه حق أخذنا به وما شهد أنه غير حق تركناه لأن هدفنا اتباع الحق لا الانتصار للآراء أو تعظيم الآباء أو الأجداد أو الشيوخ ليس هذا شأن المسلمين الحق هو ضالة المؤمن أين وجده أخذه الهدف الحق وإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير من بقائكم على النزاع وأحسن تأويلا يعني أحسن عقبة وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لنا أنه أبقى فينا ما يحل النزاع ويدل على الحق وهو كتابه ولهذا قال واعتصموا بحبل الله جميعا وهو القرآن جميعا ليس بعضكم فقط بل جميعا أي جميع الخلق عموما وهذه الأمة خصوصا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها شفا حفرة من النار دين الجاهلية فأنقذكم منها أنقذكم بالإسلام بهذا القرآن فاشكروا نعمة الله عز وجل والاعتصام بحبل الله هو الاعتصام بالكتاب لأن الكتاب هو حبل الله الممدود الذي من تمسك به نجا ومن أفلت منه هلك. Donc, le Cheikh, il dit, la divergence, ça fait partie de la nature humaine. Ça fait partie de la nature humaine. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a renvoyé vers le Coran et la Sunna lorsqu'on a des divergences entre nous. Hein, et qu'on n'arrive pas à distinguer ou à savoir qui d'entre les deux a raison. Quand on n'arrive pas à distinguer entre qui des deux a raison, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de retourner au Coran et à la Sunna pour juger. Donc celui qui ramène le Coran et la Sunna, puis qu'on voit que par la suite, le Coran a témoigné et la Sunna a témoigné que c'est lui qui a raison, alors on prend ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna. Et si on voit que le Coran et la Sunna ont témoigné que quelque chose est contraire à la vérité, alors on laisse tomber cette chose-là et on l'abandonne. Hein? Parce que notre objectif, c'est de suivre la vérité. Notre objectif, c'est de suivre qu'est-ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'est-ce qui est la vérité. Et c'est pas de défendre nos opinions à tout prix, hein, de vouloir avoir le dernier mot et de vouloir avoir raison, hein. Et de, yani, par exemple, élever ou, yani, donner la victoire aux opinions ou aux idées de nos parents ou de nos ancêtres, de nos chouyours. Il dit non. C'est pas ça le but, c'est pas ça l'objectif. Il dit, ليس هذا شأن المسلمين. Il dit, ça ne fait pas partie des affaires des musulmans d'agir de cette manière-là. Le musulman, il considère que la vérité, c'est un objet perdu qui lui appartient. Hein? Peu importe où il la trouve, il la prend. Hein? C'est comme un objet perdu, quelque chose qu'il avait perdu. Là où il marche, il trouve cette chose-là, il la prend parce que ça lui appartient, c'est la vérité. Donc, le but, c'est d'atteindre la vérité, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit. Si vous croyez réellement à Allah et au jour dernier, hein, ça c'est la condition, et ça ce sera meilleur pour vous. C'est-à-dire de revenir au Coran et à la Sunna, c'est une condition dans votre foi à Allah et au jour dernier. Si vous êtes réellement croyant, vous allez revenir à ça. Et ce sera meilleur pour vous. Ce sera meilleur pour vous que de rester sur la divergence. Hein. Et ahsan al-ta'wil, là ça veut dire quoi? Ça veut dire une meilleure conclusion. Une meilleure fin. Hein. Et ça, ça fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Hein, qu'il a fait en sorte que il a fait que il a laissé parmi nous ce qui va nous permettre de dénouer les divergences lorsqu'on a des divergences par des choses qui nous indiquent où se tient la vérité. Et ces choses-là, c'est le Coran et la Sunna, bien sûr. Hein? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala justement il nous dit dans le verset dans surat Al-Imran le verset 3 wa'tasimu bihablillah et cramponnez-vous au câble d'Allah. Et il dit le cheikh que le câble d'Allah c'est le Coran, le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Coran. Hein? C'est pas certains d'entre vous que vous devez vous accrocher, seulement un petit groupe d'entre vous, non, vous tous, hein, jami'an. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Ça veut dire vous tous, sans exception. Hein? Donc on doit tous s'accrocher au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire toute la création sans exception. Et cette umma en particulier. Hein? Et ne vous divisez pas. Hein? Et ne vous divisez pas. وَلَا تَفَرَّقُوا. Et souvenez-vous de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous lorsque vous étiez des ennemis et qu'il a rapprochez vos cœurs et rassemblez vos cœurs et vous êtes devenus par sa grâce des frères. Vous êtes devenus des frères par sa grâce et vous étiez au bord d'un gouffre, d'un abîme de feu et il vous en a sauvés. Et le cheikh il dit que le fait qu'on soit sur le bord d'un abîme de feu c'est quoi? C'est la religion de la jahiliya. L'abîme de feu c'est la religion de la jahiliya. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Il vous en a sauvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il vous en a sauvé en vous guidant à l'islam, en vous donnant l'islam, hein, en vous donnant ce Coran. Et donc soyez reconnaissants envers la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et cramponnez-vous au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le livre c'est le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous tend et sur lequel on doit tous se cramponner et s'accrocher si on veut être sauvé en réalité. Et celui qui échappe ce câble, eh bien il périt, hein, il se perd. C'est comme quelqu'un qui est dans la mer et qu'on lui tend un câble, hein, et qui risque de se noyer. S'il s'accroche et qu'il se cramponne à ce câble, ça y est, il est sauvé. Mais s'il le lâche, il le laisse aller, ça y est, il se noie, il périt. وهذا ما قصه الله علينا من حالة أهل الجاهلية أنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون ثم نهانا عن ذلك نهانا أن نتشبه بهم ثم أمرنا بالاعتصام بكتابه الذي هو أمان من الاختلاف وأمان من النزاع والهلاك فلا نجاة إلا بالاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فأهل الجاهلية متفرقون في دينهم كما قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون مسيرون بمذهبهم وإن كان باطلا وكذلك كانوا متفرقين في دنياهم لأن من ضيع الدين ضيع الدنيا فكانوا في دنياهم متفرقين لا يجمعهم جماعة بل كل قبيلة تحكم نفسها بنفسها وكل قبيلة تستبيح دماء القبيلة الأخرى وأموالها. Donc le cheikh il dit, et ça c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné au sujet des gens de la Jahiliya, qu'ils étaient tous divisés, hein. Ils ont divisé leur religion, ils sont devenus des sectes, des groupes. Chaque groupe se réjouissait de ce qu'il possédait, et Allah nous a interdit de suivre cette voie-là, et il nous a interdit de le rassembler, et il nous a ordonné de nous cramponner à son livre, et ça c'est la voie qui va nous sauver de la divergence, et qui nous sauve également des disputes et de la perdition. Et il n'y a pas de salut excepté dans le fait de s'accrocher au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans le fait de s'accrocher à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 103 dans surat Ali Imran, et accrochez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Accrochez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Donc les gens de la Jahiliya, c'est ceux qui se divisent dans la religion, hein. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit kullu hizbin bima ladayhim farihun. Chaque groupe il est content de ce qu'il a, chaque secte elle est contente de ce qu'elle a, même si c'est faux. وكذلك كانوا متفرقين في دنياهم. Donc comme ils étaient divisés dans leur religion, ils se sont divisés dans leur dunya. Ils se sont divisés également dans leur dunya. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leur dîn. Et quand quelqu'un a perdu son dîn, quand il a perdu sa religion, il perd sa dunya automatiquement. Il perd sa dunya automatiquement. Et donc ils sont devenus divisés même dans leur dunya. Et rien ne pouvait les réunir par la suite. Hein? Donc il montre l'exemple qu'à l'époque, chaque tribu, hein, elle se dirigeait par elle-même. Elle se dirigeait par elle-même, dans le sens qu'il n'y avait pas un gouvernement qui les unissait et qui les dirigeait tous. Hein? Ils avaient tous une tribu et ils voulaient tous être indépendants l'une de l'autre. Ils ne voulaient pas qu'un dirigeant les unisse. Et non seulement ça, ils rendaient licite pour eux-mêmes le sang de l'autre tribu, hein, et ils se combattaient de cette manière. Ils se rendaient licite le sang des autres tribus et également les biens des autres tribus en même temps. هذه حالة العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لما ضيعوا دينهم ضيعوا دنياهم وصار الخوف والقلق والجوع ملازما لهم دائما وكانت الجاهلية كلها حروب وكلها غارات وسارات حتى الإخوة يتقاتلون في الجاهلية فالأوس والخزرج في المدينة هم إخوة من ناحية النسب قبيلة واحدة قحطانية ولكن قامت بينهم حرب طاحنة استمرت أكثر من 100 سنة يسمونها حرب البعاث بين الأوس والخزرج وكان اليهود يقودونها فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة جمعهم الله به وطفئت الحروب وتآخى المسلمون وصاروا يدا واحدة مع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما ذكرهم الله به واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Le cheikh il dit que c'était l'état des Arabes avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Étant donné qu'ils avaient perdu leur religion, ils ont perdu leur dunya en même temps. Hein? Et donc, ils ont commencé à avoir de la crainte, de la crainte, de l'angoisse, de la faim. Hein? Tout ça c'est les résultats du fait de perdre notre religion, de perdre notre dunya. Hein, parce que c'est le résultat, la conséquence normale et naturelle. Et donc, dans la Jahiliya, les gens de la Jahiliya, ils faisaient des guerres interminables les uns contre les autres, hein, pour n'importe quelle raison. Et même des fois, entre frères, ils se tuaient, ils s'entretuaient, ils se combattaient. Et ça ne terminait jamais. Et donc, ils donnent l'exemple de Al-Aws wal-Khazraj. Le cheikh il donne l'exemple de Al-Aws wal-Khazraj, qui étaient deux tribus qui vivaient dans la ville de Médine à l'époque, hein, avant la période de l'islam. On les appelait Al-Aws wal-Khazraj, c'était deux tribus de Médine, qui sont de la même lignée, elles viennent de la même lignée, elles sont toutes les deux Qahtaniyah, elles viennent de Qahtan, dans leur origine. Sauf qu'ils se battaient, ils faisaient des guerres les uns contre les autres, c'est des guerres qui ne finissaient plus. Hein. Et il y a une guerre qui a duré plus que 100 ans, hein, plus que 100 ans entre ces deux tribus-là. Et c'était les Juifs qui étaient à la tête de ces guerres-là. Et lorsque Allah a envoyé le prophète Mohammed hein, et que les musulmans ont fait la hijra à Médine, Allah les a réunis ces deux tribus-là, Al-Aws ou Al-Khazraj. Et après, ils sont devenus ce qu'on appelle aujourd'hui Al-Ansar. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il dit, le cheikh ici? Il dit, lorsque Allah a envoyé son prophète Mohammed, il a fait la hijra à Médine, et Allah a réuni, hein, il les a réunis par le message du prophète Mohammed, et ces guerres qu'ils faisaient se sont éteintes. Et ils sont devenus des frères musulmans. Hein, ils sont devenus une seule main avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cet aspect-là, justement, ou ce fait-là, dans le Coran, dans le verset, dans Surat Al-Imran, verset 103. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Et souvenez-vous de notre grâce sur vous, ou de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous, lorsque vous étiez des ennemis, et qu'il a réuni vos cœurs, et vous êtes devenus des frères par sa grâce, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. ألف الله بين قلوبهم بالإسلام وانطفأت الحروب التي بينهم وصلحت دنياهم وكذلك بقية قبائل العرب لما دخلوا في الإسلام صلحت دنياهم لما صلح دينهم وأمنوا على دمائهم وأموالهم وصاروا يسيرون في الأرض آمنين لشيخ الزي الله سبحانه وتعالى إلى غيوني لوركور. Par quoi il a réuni leur cœur? Par quoi ils sont devenus des frères? Hein? Par la grâce d'Allah. Et c'est quoi cette grâce? C'est l'islam. Cette grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala les a réunis par la grâce de l'islam. Et ces guerres qui étaient entre eux se sont éteintes. Et leur dunya par la suite, tout est redevenu en ordre. Et leur dunya est devenue correcte comme elle devait l'être. Hein. Et de même que les autres tribus arabes également, lorsqu'ils sont entrés dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala a amélioré leur sort par la suite et a amélioré leur dunya. En plus, du moment qu'ils ont corrigé leur aqidah, ils ont corrigé leur foi, ils ont corrigé leur religion, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a corrigé leur état et leur dunya par la suite. Et donc, ils ont connu par la suite la sécurité et la paix. Hein. Ils ont eu par la suite la sécurité dans leur sein, dans leur personne, dans leur bien, et ils pouvaient marcher partout sur la terre sans craindre quoi que ce soit. Ils n'avaient plus de peur ni de crainte, parce que la sécurité avait été établie sur la terre à cause de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Sar al-Arabi yulqi al-Arabi al-Akhar min ayyi qabilatin fala ya'ridu lahu bisu » بل سادت المحبة بينهم وتآخوا في دين الله عز وجل. Donc il dit, un arabe rencontrait un autre arabe, ou un bédouin rencontrait un autre bédouin, hein, d'une autre tribu, et il n'allait rien lui arriver de mal à partir de ce moment-là. Pourquoi? Parce que hein, ils étaient remplis d'amour les uns pour les autres à cause de cette fraternité qui était établie et basée sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. À partir du moment qu'ils ont accepté cette religion. وقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. هذه براءة من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة أي أحزابا. لأن المطلوب أن يكون الدين واحدا وأن يكون الناس جماعة واحدة على الدين. هذا هو الذي أمر الله به سبحانه وتعالى. فمن كان كذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم يواليه وهو وليه. أما من فرق دينه وبقي على النزاع وبقي على أمر الجاهلية فالرسول صلى الله عليه وسلم بريء منه. يعني بريء منه. لشيخ الزيك دونك كان الله سبحانه وتعالى إذن ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, tu n'as rien à voir avec eux. Ça c'est un désaveu. Hein, le fait de se désavouer de ceux qui se divisent dans la religion et qui deviennent des sectes et qui deviennent des groupes. hein, qui deviennent des parties. Parce que qu'est-ce qui est demandé d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'on soit sur une seule et unique religion, toute l'humanité, hein, et que tous les hommes soient une seule jama'a, sur une seule religion, sur la seule, une seule et même religion. Et c'est la religion que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnée. Ça, c'est ce que Allah a ordonné, hein. Et donc, celui qui suit cette voie-là et qui suit l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui supporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors Allah subhanahu wa ta'ala le supporte et le défend et le rapproche. Mais celui qui divise sa religion et qui reste dans la divergence et qui refuse de revenir à la vérité, alors celui-là, il est dans les affaires de la jahiliya, hein, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de lui. Le messager d'Allah se désavoue de lui. يبقى أن نعرف حقيقة الاختلاف أو الخلاف في مسائل الفقهية. فالخلاف واقع وموجود الآن في أمور الفقه. فهل هذا من الاختلاف المذموم؟ Il y reste un point à analyser et c'est la question des divergences dans les questions de fiqh, les questions de fiqh. Il dit le cheikh que la divergence c'est quelque chose qui est, hein, qui doit arriver. C'est quelque chose qui est actuel, qui est normal, qui est une réalité. On ne peut pas le nier. Et on le constate actuellement. Il y a des divergences dans les questions de fiqh. Hein, et on en a parlé justement hier par rapport au jeûne, hein, du samedi. Hein. Le frère Hassan, il en a parlé de ça, on a eu un petit exemple de ce genre de divergence-là. Donc, est-ce que ça fait partie des divergences qui sont blâmables, hein? Donc, le cheikh il va nous expliquer les différentes catégories de divergences. Et quand est-ce que c'est blâmable et quand est-ce que c'est pas blâmable. D'accord? Donc, le cheikh il dit, « Naqoul al-ikhtilafu ala qismain. Al-qismu al-awwal al-ikhtilafu fi al-din, kal-ikhtilafu fi al-ibadati wal-aqida. » هذا الاختلاف مذموم ومحرم لأن الدين ليس مجالا للاجتهاد وليس مجالا للآراء بل الدين توقيفي والعقيدة توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها وعلينا أن نتمسك بما شرعه الله لنا من الدين ومن العبادة ومن العقيدة دون أن نتدخل بآرائنا واجتهاداتنا كذلك العبادة توقيفية ما جاءنا به دليل عمل ما جاءنا به دليل عملنا به وما ليس عليه دليل فإنه بدعة يجب علينا تركه. Donc le cheikh explique, il dit premièrement, il faut comprendre que il y a deux sortes de divergences, deux catégories de divergences. La première catégorie de divergence, c'est la divergence dans les questions de la religion. Maintenant, on parle des divergences parmi les musulmans dans les questions de fiqh, hein? Mais là, dans les questions de fiqh, mais là, c'est-à-dire la divergence en général est dans deux catégories, mais la divergence dans les questions de fiqh, c'est la deuxième catégorie qu'on va voir. Celle, la première, c'est les divergences dans les questions de religion et de croyance et d'adoration, hein? Et les questions de divergence dans la religion, dans l'adoration et dans la croyance, ça, c'est des divergences qui sont blâmables. Et ce sont des divergences qui sont interdites. C'est haram. C'est haram de diverger dans la croyance, dans l'adoration et dans la religion. Hein? Et ça, ça vient réfuter tous ceux qui essaient de supporter ou de défendre la présence de différentes tendances ou de différentes sectes ou de différents groupes à l'intérieur du corps de l'islam. Tout ça, c'est à rejeter. Tous ceux qui essaient de dire que c'est correct qu'il y ait des Shia, qu'il y ait des Rafida, qu'il y ait des Soufia, qu'il y ait des Khawarij, qu'il y ait des Qadariya, qu'il y ait des Mu'tazila, qu'il y ait des Asha'ira, qu'il y ait des d'autres sectes de ce genre parmi les musulmans, ceux qui essaient de dire que ça c'est correct, et qu'il n'y a pas de problème, et qu'on est tous des frères, que dans le sens qu'on est tous, on doit tous s'accepter, et puis on ne doit pas se réfuter les uns les autres, ceux qui pensent ça, ils sont dans l'erreur à ce sujet-là. Parce que la divergence dans les questions de croyance, dans les questions de pratique religieuse, dans les questions d'adoration, c'est haram. C'est interdit. Hein? Ce qui amène les sectes. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de nous diviser dans ces questions-là. Et on peut faire rentrer là-dedans également les divergences et les divisions qui arrivent, qui sont causées par les groupes contemporains, hein, qui ramènent des croyances divergentes. Il y en a qui veulent dire non, mais il faut qu'il y ait de la diversité, le multipartisme, ou bien le pluralisme. Et ils parlent maintenant de pluralisme islamique, hein, et ils ramènent des exemples comme les Ikhwan, Tablir, et des choses de ce genre. Si c'était tous des groupes qui avaient la même aqida et le même manhaj, pas de problème. On pourrait tous travailler ensemble, collaborer, coopérer. Alhamdulillah, on dirait bon, c'est des noms différents, mais ça change rien à la réalité. On est tous sur la même voie, la même aqida, le même manhaj. Mais quand on analyse à l'intérieur de ces différents groupes, on remarque que c'est pas vrai. On remarque que la réalité, c'est qu'ils ont divergence dans leur aqida, divergence dans leur manhaj, divergence également dans plusieurs de leurs pratiques religieuses. Hein? Par exemple, dans les Ikhwan, on sait que le fondateur, c'est un soufi, Ash'ari. Hein? Comment quelqu'un qui est soufi, Ash'ari, hein, peut dire qu'il crée une jama'a, on va prétendre qu'on peut s'unir avec eux, collaborer avec eux. Et ça, c'est le fondateur seulement, sans parler de ceux qui suivent. Parce que parmi les membres de cette jama'a, il n'y a aucune condition en ce qui concerne les croyances. Tout le monde peut être membre, tout le monde peut rentrer, que tu sois Khariji, que tu sois Soufi, que tu sois Ash'ari, que tu sois Maturidi, hein, que tu sois Shi'i, Rafidi, ils acceptent tout le monde. Donc la condition pour être avec eux, c'est pas la aqida sahiha, c'est pas la aqida salafiyya. Alors la condition pour être avec eux, c'est juste que soit d'accord avec leurs fondements et leurs principes, que tu adhères à leurs règles, et du moment que tu acceptes ça, tu rentres et puis tu suis qu'est-ce que leur amir te demande de faire. Et chez les tablir, c'est la même chose, hein. Le fondateur de cette jama'a, c'est un soufi, Mohamed Elias Al-Kandahlawi, soufi de la tariqa Jistiya, de l'école, un des gens qui est sorti de l'école des Diobandiya en Inde, qui suit toutes sortes de superstitions et de contradictions au fondement de la aqida de l'islam. C'est une voie qui est basée sur le soufisme et sur la aqida des Maturidiya, qui déforme le nom et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'asma wa sifat, et qui ont des problèmes dans le tawhid. Pour eux, le tawhid, ça se limite seulement à tawhid al-rububiyya, hein, tawhid al-ibada wa tawhid al-asma wa sifat, ça existe pas pour eux. Et c'est pour ça que tu vois les gens de Jamal Tablir, quand ils parlent, c'est toujours de répéter aux gens qu'il faut croire que Allah c'est le créateur, celui qui donne la subsistance et qui lui le maître, alors que autour de leur centre et même à l'intérieur, il y a des tombes à l'intérieur et autour il y a des mosquées qui sont bâties sur des tombes et les gens adorent les tombes autour d'eux, ils ne disent rien à ce sujet-là. Pourquoi? Parce que pour eux ça c'est pas du shirk, hein. Et ils combattent pas le shirk que les gens font. Donc comment tu veux dire que ces divergences-là, ce sont pas des divergences qui nous divisent? Non, ça, ce sont des divergences et des divisions, des choses qui nous divisent, puisque ce sont des divisions et des divergences dans nos fondements, dans notre aqida, dans notre croyance. On peut pas adhérer, on peut pas accepter, on peut pas excuser ces divergences-là. Hein? De même que ceux qui amènent des innovations dans la pratique. Hein? On peut pas accepter ces innovations-là et ces bid'as. Et donc, ça, c'est des divisions dans la religion. Et ça fait partie de ce qui est haram. Le cheikh, il dit la division dans la religion, dans l'adoration, dans la aqida, dans la croyance, ce sont des divisions des divergences qui sont blâmables. Mazmouma. Elles sont toutes blâmables. Elles sont toutes à rejeter. Et elles sont haram. Elles sont interdites, ces divisions-là. Parce que la religion, elle ne laisse pas, ces questions-là de aqida, elles ne sont pas des questions dans lesquelles on peut faire des ijtihadat, utiliser notre raison, faire des analogies, hein, essayer de rationaliser dans la croyance. Parce que ça fait partie des choses qui sont tawqifiyya. Il n'y a pas d'espace pour les opinions là-dedans. Hein. Ce que Allah, il te dit dans le Coran, c'est ça que tu dois croire. Ce qu'il te demande, la façon dont il te demande de l'adorer, c'est comme ça que tu dois l'adorer. Et tu dois te limiter à ce qu'il t'ordonne. D'accord? Et donc, on doit s'accrocher à ce qu'il a légiféré pour nous. Et la religion, donc, ça c'est dans la religion et c'est dans l'aqidah. Et on n'a pas à rentrer avec nos opinions ou nos ijtihadats dans ces questions-là. Et de même que les adorations qu'on fait, c'est la même chose. On ne doit pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala par des bid'ahs et par des innovations. S'il n'y a pas de preuve pour faire quelque chose, on n'a pas le droit de le faire. S'il n'y a pas de preuve pour faire une pratique religieuse ou une adoration, on n'a pas le droit de la faire. D'accord? Donc, s'il n'y a pas un texte dans le Coran ou dans la Sunna pour justifier une pratique religieuse ou une croyance, on ne doit pas l'accepter. On doit la rejeter. Et le cheikh il mentionne les preuves à ce sujet-là. Les hadiths. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وحديث وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأمور العقيدة وأمور العبادة وأمور الدين عموما لا مجال للخلاف فيها أبدا وإنما تتبع فيها النصوص من الكتاب والسنة Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les preuves de ça, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans les hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui invente dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, alors elle sera rejetée. Hein? Si tu fais quelque chose, ça ne fait pas partie de la religion islamique, Allah va le rejeter. Et il dit également à cause du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Et prenez garde aux choses inventées dans la religion. Car toute chose qui est inventée, c'est une innovation, c'est une bid'ah. Et toute bid'ah, c'est un égarement, c'est une forme d'égarement. Et tout égarement mène à l'enfer. » Donc les questions qui sont reliées à la croyance, les questions qui sont reliées à l'adoration, hein, et les questions de religion en général, il n'y a pas de porte ouverte pour diverger dans ces questions-là. Notre obligation, c'est uniquement de suivre les textes de la révélation et de suivre ce que suivaient nos prédécesseurs pieux parmi les prédécesseurs de cette Ummah. Ça, c'est notre devoir. Ça, c'est la première catégorie des choses sur lesquelles on diverge. Hein? Et on a dit, cette première catégorie-là, c'est haram de diverger là-dedans. Hein? Maintenant, القسم الثاني الاختلاف فيما للرأي فيه مجال أو ما هو مصرح يعني مصرح للاجتهاد من مسائل الفقه واستنباط الأحكام من الأدلة هذا يقع فيه الاختلاف لأن مدارك الناس تختلف في الاستنباط من النصوص ومسائل الإجماع محصورة ولا يجوز مخالفتها ولكن ما ليس عليه إجماع من مسائل الاجتهادية التي هي مجال للاجتهاد فالله جل وعلا أعطى كل عالم بحسب ما خصه به من المدارك والفهم وما يصل إليه من النصوص والاجتهاد مشروع في ذلك وقد حصل الاجتهاد في عهده صلى الله عليه وسلم كما هو معروف وهذا فهذا اختلاف في الاجتهاد وليس اختلافا في العقيدة ولا في الدين وإنما هو اختلاف في مسائل الفقه وكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجتهدون ويختلفون وهذا الاجتهاد على قسمين. Donc le cheikh il explique que la deuxième catégorie de divergence, c'est la divergence dans les choses qui ont rapport avec des choses dans lesquelles on peut avoir divergence d'opinion. Et c'est les questions d'ijtihad parmi les questions de fiqh. Ah, c'est l'heure de la salah. Tayyib, inshallah. Donc on va s'arrêter ici pour maintenant, puis on continuera plus tard, inshallah, dans la prochaine intervention, bi'iznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته